Bonjour Thibaut. Laisse donc un peu les filles. Allez, ouais. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission Johnny 2 à Z, la 591e émission sur RG. Et aujourd'hui, nous parlons du nouveau livre de Thibaut Geffrotin. Dit Thibaut Geffrotin est journaliste et commentateur sportif, et également il est l'auteur de livres sportifs et il est passionné, c'est un spécialiste de Johnny Hallyday. Après ses livres sur Johnny Hallyday, Une étoile dans nos yeux, Johnny par Jean-Philippe, Le quiz Johnny Hallyday, Tout Johnny, il revient avec son nouvel opus, Nos chansons préférées de Johnny, chez Talent Édition. Bonjour Thibaut. Bonjour Eric, bonjour à tous. Salut Thibaut. Donc je suis accompagné. Salut, donc, on est avec Thibaut Geffrotin pour son livre Nos chansons préférées de Johnny Hallyday et à mon co-animateur Jean-François Chenu, un habitué de l'émission Johnny de A à Z, bien sûr. Bonsoir, bonjour messieurs. Oui, ou bonsoir. Salut tout le monde, salut Eric, salut tes auditeurs. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission Johnny de A à Z spéciale Thibaut Geffrotin, nos chansons préférées de Johnny. Alors, on va rentrer dessus dans le vif du sujet, hein, Thibaut. Hein. Antoine Decaune t'a dit, hein, mais vous êtes fou allié quand tu lui as soumis l'idée, ton idée de classer l'intégralité du répertoire de Johnny. Alors, qu'est-ce qui a déclenché l'idée d'analyser tout le répertoire de Johnny sous l'angle des fans et des personnalités? Bah, c'est une petite folie que j'ai eue. J'avais cette envie d'écrire sur la discographie de Johnny, mais je me suis dit, il faut parler de toutes les chansons. Il faut vraiment classer cette discographie. Et je n'ai pas eu envie de faire ça moi tout seul, parce que finalement, ça aurait été seulement mon avis. Et qui suis-je pour dire que telle chanson est meilleure qu'une autre? Je me suis dit, il faut avoir un maximum de gens autour de moi pour classer cette discographie. Donc j'ai d'abord pensé aux fans, je me suis dit c'est le public qui doit voter, et puis je me suis dit les musiciens, ils ont aussi leur avis, et puis les auteurs-compositeurs, et puis les journalistes qui ont suivi toute la carrière, et puis des personnalités, et puis les proches comme David, comme Sylvie, comme Eddy ou comme Jacques Dutronc. Et puis finalement j'en suis arrivé à ces 361 personnes dont vous faites partie tous les deux, Eric et Jean-François, qui m'ont donné leur classement. C'est vrai que c'était une idée un peu dingue. J'avoue qu'au départ, je me suis demandé si les gens allaient vraiment se prendre au jeu, délire leurs chansons préférées. Et puis le moment qui m'a donné confiance, c'est que moins d'une journée, moins de 24 heures après tous les mails que j'ai envoyés pour proposer mon idée aux gens, le premier à m'avoir répondu, c'est Philippe Labro. Je pense beaucoup à lui forcément aujourd'hui, parce qu'il n'a pas pu, voir ce livre imprimé, ce classement terminé, hélas. Mais Philippe est le premier à m'avoir fait confiance. Et ça m'avait donné confiance. Je m'étais dit, si Philippe Labro me suit, me donne son classement, ça va le faire. Et Philippe Labro est classé dans les 20 premiers avec Hommage au Lissara. Exactement. Tu le connais par cœur, le livre, maintenant? Par cœur, non, mais je l'ai lu très attentivement dès que je l'ai reçu. Quel a été le plus grand défi lors de cette classification des chansons, justement? Alors, il y a eu deux défis. Le premier, c'était de réussir à réunir toutes ces personnalités, à faire en sorte qu'au-delà du « oui, c'est une bonne idée, je vais vous donner mon classement », que eh bien, toutes ces personnalités très connues, comme Nicolas Sarkozy, comme David Hallyday, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Jean-Claude Camus ou tous les autres, passent vraiment le pas et me donnent leur classement, me donnent leurs commentaires. Donc, il a fallu évidemment faire des relances, les rencontrer, les rappeler souvent. Et ensuite, le deuxième défi, c'est d'écrire sur les 1000 chansons, parce qu'il y a quand même plus de 1000 titres dans la discographie de Johnny. Et donc, même si dans la deuxième partie du livre, c'est seulement une, deux, trois, quatre phrases pour analyser les chansons, il a fallu à chaque fois écouter les titres, réécouter, écouter différentes versions, parfois enquêter pour savoir un peu d'où venaient ces chansons pour les moins connues. Donc ça a été un très long travail, mais tous ceux qui t'écoutent, Eric, sont des passionnés de Johnny comme vous, comme moi. Donc ça a été un travail agréable. Très long, mais très agréable. On va écouter tout au long de cette soirée les 15 premiers titres que vous aviez sélectionnés. Hein, tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce livre, nos chansons préférées de John Hayday. On va partir de la position 15 jusqu'à la position 1. Bon, je pense que vous devez savoir quelle est la position 1, mais on y viendra en cours d'émission, bien entendu. À la 15e position, on retrouvait le titre « Oh ma jolie Sarah ». Justement, petit clin d'œil et hommage à Philippe Labroie. Hommage à Sarah, John Hayday à Taratata. Le 3 mai 2011. Alors dis-moi un peu, comment tu as fait en gros pour les points? Je sais que bon, ça c'est une question qu'on te demande à chaque fois. Comment as-tu réparti justement ces, comment as-tu fait ce classement? Alors, par en fait, nombre de points? Chaque personne membre du jury m'a donné son classement. Il n'y avait pas de nombre minimum ou maximum de chansons, c'est-à-dire que certains pouvaient me classer un top 5, un top 10 ou un top 20. Certains, comme Jean-François, m'ont fait un top 200. Certains, comme d'autres, m'ont fait un top 300. Peu importe. La meilleure chanson récoltait 200 points, 180 pour la deuxième, 160 pour la troisième, 150 pour la quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à la 110e chanson classée qui récoltait un point. Et ensuite, pour ceux qui m'ont fait des classements monumentaux, toutes les autres chansons valaient aussi un point. C'est ce qui nous amène à ce total, avec l'envie qui a plus de 30 points, et ainsi de suite. Et évidemment, j'ai inclus, c'est-à-dire qu'on a environ 800 chansons qui ont été classées par les membres du jury, et pour les 250 environ chansons restantes, je les ai bien sûr inclus avec 0 point pour qu'elles soient mentionnées dans le livre et pour qu'on puisse parler de l'intégralité de la discographie. Tu as même eu des top 3, je crois. Oui, certains m'ont classé leurs 3 premières chansons. Par exemple, Fabrice Lucchini, que j'ai eu en quelques minutes au téléphone, qui était pris entre 2 tournages de pièces de théâtre, mais qui a quand même voulu absolument participer parce qu'il est très sympathique et qu'il adore Johnny et connaît très bien. Il m'a dit, allez, je vous donne mes 3 préférés parce que j'ai pas le temps. Et comme ça, il a pu participer aussi. Et Eddie a fait l'effort de t'en donner 3, ce qui est déjà pas mal pour Eddie. Exactement, Eddie Mitel, je suis très heureux et je le remercie. J'ai dû pas mal insister. Je sais qu'il a eu des soucis de santé ces derniers temps, donc je le remercie d'avoir participé. Il m'a fait lui aussi son top 3. Et oui, justement, et pour les chansons à 0 point, tu as pris le temps justement en plus de les développer, ces chansons. De marquer un petit texte dessus. Enfin, tu as vraiment développé chaque chanson, même les chansons à 0 point. Oui, il a même des commentaires. Oui, parce que c'est ça, il y a aussi des commentaires sur ces chansons-là. Mais oui. Oui, parce que souvent les chansons à 0 point. Si elles ont 0 points, soit c'est parce qu'elles sont ratées et mauvaises, mais c'est aussi parfois parce qu'elles sont inconnues, parce qu'elles ont été complètement oubliées, parce qu'elles sont jamais sorties, parce qu'elles sont restées à moitié inédites ou que les gens ne les connaissent pas. Donc voilà, ça mérite de pouvoir raconter un peu quelles sont ces chansons, d'où elles viennent, qui les a écrites, raconter que Johnny a chanté en turc, que Johnny a chanté aussi des versions absurdes, comme dans les versions à 0 point, il y a la version de Gabriel ou de La musique que j'aime de 1982, exactement. Qui sont, selon moi, et ça n'engage que moi, des horreurs, des horreurs et des... Ah bon, on va être d'accord avec toi là. On va te suivre, sur ce point. Tout est horrible, la pochette du 45 tours, les chansons, tout est horrible. Black is black. Llegamos al final. El mundo es... Mais voilà, c'était important de raconter du coup ce qui avait été fait à ce moment-là. Et puis c'était amusant du coup des chansons aussi que j'ai redécouvertes, que j'avais pas écoutées depuis longtemps, comme Victoire Je t'aime, comme la chanson du Roumain, qui sont très loin d'être les meilleures chansons de Johnny, la preuve si elles ont 0 point, mais qui font partie de son histoire discographique. Et t'as aussi des chansons que tu as prises sur des passages télé? Oui. J'ai voulu m'amuser, effectivement. Alors, je les ai pas toutes prises, évidemment, avec les milliers de télé que Johnny L'ombre a fait dans lumière, sa carrière. L'ombre et la lumière, par exemple. Le duo avec Barbara. Oh, ma divine, ma clandestine, à pas de lune, tu t'avances et tu danses dans ma lumière. Exactement, le duo avec Barbara que j'ai trouvé magnifique. J'ai mis le gorille aussi parce que Johnny adorait Brassens. Donc quelques petits clins d'œil effectivement à des passages télé. Hein. Et la 14e position, hein, parmi ce panel de personnalités et de fans de Johnny, vous avez voté pour le titre Retiens la nuit. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse. En croyant tout bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Oh, retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Oh, je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Vous êtes sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z, où on est avec Thibaut Geffrotin et Jean-François Chenu pour parler du livre « Nos chansons préférées » de Johnny Hallyday. Il y a dans le jury qui réunit beaucoup de monde, et aussi il y a pas mal de sportifs, et des sportifs parfois surprenants, des noms qui ont été cherchés, auxquels on ne s'attend pas. Je pense à Jean-Michel Larquet ou Alain Giresse ou des sportifs comme ça. Et ils ont réagi aussi sans problème, rapidement, favorablement. Je sais que c'est ton métier premier, hein, d'être journaliste sportif, mais c'est amusant aussi ça. Ben oui, ça a été un peu mon étonnement en fait, étant donné que j'ai beaucoup de champions sportifs dans mon carnet d'adresses via mon métier de commentateur sportif, je me suis dit tiens, est-ce que les sportifs aiment Johnny, connaissent Johnny? Donc j'ai tenté, et puis finalement j'ai eu beaucoup plus de réponses positives que je l'imaginais. Je savais que Jean-Marc Pilorger adorait Johnny par exemple, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, voilà, ça je le savais. Jean-Michel Larquet, j'en savais rien, et dès que je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah ben oui, Johnny, je l'ai vu souvent en concert à Bordeaux, je l'ai vu en concert dans le Sud-Ouest. » Alain Giresse, pareil, m'a répondu tout de suite. Alizé Cornet, pour ceux qui suivent le tennis, qui a fait ça de Roland-Garros, elle m'a répondu aussi rapidement. Vincent Guérin, l'ancien champion d'Europe avec le PSG, ou Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France. Donc c'est vrai que c'est assez sympa, parce qu'on parle toujours des footballeurs aujourd'hui qui écoutent tous du rap, mais les anciens footeux, eux, ils écoutent Johnny. Mais oui, les anciens comme nous, oui, tout à fait. Ouais, il ne faut pas oublier qu'il nous a fait un hymne à la gloire de l'équipe de France, qui a été un succès monumental. Ah, elle est classée combien déjà? Je ne sais plus son classement à celle-là. Je sais plus. Ah, je crois qu'elle est 500e ou la 501e, il me semble. Elle a eu des points, effectivement. Elle a eu des points. Tous ensemble. Et elle existe toujours. Je l'ai entendu il y a seulement quelques jours sur RMC, où ils avaient une émission de foot où ils parlaient de la prochaine Coupe du Monde qui a lieu aux États-Unis en 2026. On est ensemble. Et pour illustrer leur sujet, ils ont mis tous ensemble. Oui. Ils ont mis tous ensemble. Voilà, 482e tous ensemble. Hey, c'est pas mal, elle est à la moitié. Dénonce qui a voté pour ce titre-là. Et 202 points quand même. 202 points. Oui, 202 points. En vrai, moi, ce que je pense sur cette chanson, c'est que si la France avait été championne du monde en 2002, cette chanson, ça serait devenue un hymne incontournable que tous les Français adoreraient. Il y aurait une autre répercussion de ce titre-là, tout à fait. Sauf que là, on s'est couvert de ridicule. Oui, un peu. En 2002. Exactement. Mais c'est pas la faute de Johnny, c'est plutôt la faute de la cuisse de Zidane. Oui. À la 13e pole place, vous avez sélectionné le titre « Vivre pour le meilleur » Johnny Hallyday en 1999, extrait de l'album 100%. Gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un Dieu Tu as été surpris par certains choix du jury de ces 361 personnes. Oui, j'ai été surpris par certains choix, certaines chansons que j'imaginais plus bas dans le classement ou d'autres plus haut dans le classement. Il y en a une qui m'a surpris, qui est très haut, c'est Autoportrait, classé en 63e position. On m'a fait tant d'autoportraits, qui me ressemble très contraire. J'avoue que je ne sais pas vraiment. Quand même 2354 points pour une chanson qui date de 2011. Oui. Donc une chanson assez récente qui n'a pas eu le temps de vivre. D'autant que Johnny l'a très peu chanté sur scène. Il l'a chanté à la Tour Eiffel le soir où il l'a présenté lors d'un concert privé. Et ensuite, il l'a chanté à Montpellier au début de l'ouverture de la tournée 2012. Mais on sentait qu'il n'avait pas bien répété la chanson. Moi, j'y étais ce soir-là. Et il ne la maîtrisait pas totalement à l'Arena de Montpellier. Donc il l'a enlevé dès le soir suivant. Et ensuite, il ne l'a jamais rechanté. Mais finalement, on voit que les fans se sont identifiés à cette chanson parce qu'elle est arrivée à un moment important, un peu la renaissance de Johnny qui remontait sur scène à ce moment-là, pour ce qu'elle raconte aussi, où Johnny se livre un peu sans retenue, sans concession, avec cette voix très rocailleuse. Et donc j'étais surpris de voir cette chanson si haut. Je sais pas, vous, si, je crois pas que vous l'avez mis dans votre classement. Je l'ai pas mise. Je l'ai pas mise. Par contre, moi, j'ai été surpris, justement, de retrouver à la 106e place une chanson qui n'est en gros connue que par, on va dire, que par vraiment des connaisseurs. Ce n'est pas une chanson qui a été chantée sur scène. Ce n'est pas une chanson qui a été éditée en 45 tours. Cet extrait de l'album, pas facile. C'est la chanson Il ne faut pas me ressembler. Et c'est la mieux classée de l'album, justement. Effectivement, et ça je pense que c'est ce côté, c'est l'histoire que raconte cette chanson qui a marqué les gens. On rappelle, c'est Johnny qui s'adresse à son fils David via les mots en plus écrits par Michel Mallory, qui est un intime de la famille, donc c'est pas une chanson abstraite, on est vraiment dans le concret, dans ce que Johnny a pu lui dire, de ce qu'il avait envie de transmettre à son fils. Et effectivement, j'ai été surpris de l'avoir si bien classé, une belle surprise. Aime-moi. C'est pas l'album le plus connu, mais je pense que l'histoire a touché les gens. C'est vrai qu'on est dans une période où, pas facile, Johnny Hallyday venait de divorcer avec Sylvie Vartan et donc Michel Mallory a lui fait en gros un album sur mesure en quelque sorte. C'est l'album du divorce. Ouais, c'est l'album du divorce et puis un album sur mesure sur l'état d'âme actuellement. Je t'ai aimé. C'est un album que nous apprécions beaucoup tous les deux aussi. Hein. Oui, moi j'aime bien aussi cet album. Et c'est vrai qu'il n'est pas forcément. Il sort pas souvent, mais bon, je ne laisse pas l'écouter. Hein, La ville est une très belle chanson, je ne sais plus. Tiens, je vais regarder. C'est Long Chris, c'est le seul texte de Long Chris. La ville classée 660e, c'est vrai que chanson urbaine, très visuelle. Et moi, ce qui m'a surpris aussi dans le classement, je l'aurais pensé beaucoup plus haut, c'est Dadou Run Run. Je me souviens que j'en avais discuté avec toi, Jean-François, où tu n'étais pas tellement surpris que ça, parce que tu me disais que c'était plus emblématique d'une époque que du répertoire de Johnny. Mais c'est vrai que Dadou Run Run, qui est classé seulement en 228e position, ça faisait quand même l'ouverture du Palais des Sports 76, c'était quand même un grand titre des années 60, mais finalement, comme si les fans de Johnny ne s'étaient pas appropriés en tant que chanson de Johnny elle-même. Les chansons des années 60 qui ressortent le mieux, c'est des chansons qui évidemment ont marqué l'époque des années 60 et qui ont existé tout le temps. L'idole des jeunes ou Retiens la nuit, ou ces chansons-là, il les a chantées quand même assez souvent, plusieurs époques, donc elles sont dans la mémoire collective. Dadou Run Run, c'est plus la symbolique, je trouve, de l'époque SLC, de l'époque Yéyé. Oui, c'est vraiment Yéyé. Il n'y a pas que lui qui l'a chanté. Est-ce qu'on l'identifie avec Johnny vraiment, tu vois, plus qu'à une époque, je ne sais pas, tu vois. Et puis aussi, Johnny aussi l'a dénigré un petit peu vers la fin, parce qu'il disait assez de chanter des chansons à l'eau de rose ou des chansons à la façon d'Adou Run Run et compagnie. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il prenait toujours cet exemple de d'Adou Run Run quand il disait qu'il voulait des meilleurs textes. Il le dit d'ailleurs quand il travaille avec Michel Berger. Il dit maintenant, moi je veux des textes d'auteur et j'ai pas envie de chanter Je t'aime, je ne t'aime plus d'Adou Run Run. On se sépare, on revient ensemble, on se quitte et puis voilà, c'est fini. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dans le classement de nos chansons préférées de Johnny Hallyday se place à la 12e place le titre Allumer le feu. En l'extrait, Johnny Hallyday lors du filage, lors des répétitions de la Tour Eiffel 2000. Et faire danser les chez le lion dans l'arène. Je veux la poudre et l'éclair, l'odeur de poudre, le tonnerre. Ça, je veux la fête et les rires. Moi, je veux la foule en délire. Une étincelle. Oui, d'un peu d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu et faire grandir. Puis d'un rien, puis d'un geste, il suffira d'une étincelle, puis d'un mot d'amour, mais pour allumer le feu et faire danser, puis les diables et les dieux. Allumer. Alors, comment as-tu pu équilibrer les avis des fans historiques avec ceux des personnalités publiques, justement ? J'ai essayé de faire un petit mix des commentaires que m'avaient fait les uns et les autres, d'avoir un équilibre entre les commentaires de fans, des anonymes, ceux qui garnissaient les concerts de Johnny, des spécialistes comme vous, comme toi Eric, comme Jean-François, ou comme d'autres, comme Xavier Perrault d'Universal Music, ou comme Bernard Fossé, par exemple, qui avait écrit tout Johnny avec Jean-François et moi, et puis de mettre en valeur aussi les commentaires des personnalités qui ont voulu me donner un petit mot sur les chansons qui leur plaisaient, comme David Hallyday qui m'a parlé de Je te promets, de Fils de personne, ou comme Nicolas Sarkozy qui a tenu à avoir un petit mot pour sa quinzaine de chansons préférées. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu tout ça pour qu'on ait à chaque fois le nom de la chanson, l'auteur, le compositeur, le nombre de points, un commentaire de ma part pour raconter la chanson, donner une petite analyse, et puis entre guillemets, une, deux, trois, quatre, cinq phrases de la part des membres du jury qui au fur et à mesure se donnent la parole. Toute considération politique mise à part, les commentaires de Nicolas Sarkozy sont extrêmement pertinents, sont très intéressants à lire. On sent qu'il est qu'il connaît et que les chansons dont il parle, il les aime vraiment et il a quelque chose à raconter dessus. Ah ben, je peux vous dire que le moment que j'ai passé dans le bureau de Nicolas Sarkozy à parler de Johnny et seulement de Johnny, c'était un moment fort parce que c'était un moment d'échange entre deux fans de Johnny Hallyday. Et quand je lui ai demandé quelles étaient ses chansons favorites et qu'il m'a regardé, il m'a dit « Vous connaissez Johnny lui dit adieu ?» Je dis « Ah, bien sûr que je connais. » Et là, l'ancien président de la République se met à réciter toutes les paroles de Johnny lui dit adieu, qui est quand même une chanson que absolument personne ne connaît, hormis les vrais fans de Johnny Hallyday. Allô, bonjour madame, ici c'est Johnny, je vous téléphone, car les amis m'ont dit que votre fils marie, qu'elle part aujourd'hui. Non, je ne veux pas lui parler, je veux pleurer. Mais dites-lui que je l'aime et que Johnny lui dit adieu. Il m'a récité toutes les paroles du début à la fin de la chanson, en me donnant ensuite son analyse, son avis sur cette chanson. J'ai trouvé ça incroyable. Et effectivement, il connaît la discographie par cœur. Il aime profondément à la fois l'homme qui était son ami et puis le chanteur dont il apprécie le répertoire. Donc, Nicolas Sarkozy t'a étonné sur son, ouais, sur son, oui, savoir, oui, sur le sujet de Johnny Hallyday. Sa connaissance. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui t'ont aussi bluffé aussi par leur connaissance sur Johnny? Ah bah, puisqu'on est dans le politique, Jean-Pierre Raffarin connaît aussi mm-hmm. très bien. Il m'a mm-hmm. fait une belle sélection en retenant notamment Douce Violence, par exemple, pour parler des chansons les moins connues qui lui rappelaient son enfance. Douce violence de nos jeunes amours. Et puis ceux qui m'ont... Alors, pas spécialement étonné parce que je le sais, mais les fans de Johnny ont vraiment une belle culture, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de classements différents. C'est-à-dire que quand j'ai reçu les 30, 40, 50 premiers classements au début du travail, j'avais systématiquement une chanson différente en numéro 1. Mmh. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui préférait Ma Jolie Sarah, il y en avait un qui préférait Vivre pour le meilleur, il y en avait un qui préférait Allumer le feu, il y en a un qui préférait L'envie. Il y en avait un qui préférait une chanson qui avait rien à voir, qui était plutôt récente, comme Te manquer. Bref, j'avais vraiment un spectre très varié, et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça me montrait en fait à quel point le public de Johnny n'est pas un public qui se contente d'écouter les 50 tubes et qui laisse le reste derrière. On a vraiment un public de connaisseurs qui aiment toutes les chansons de Johnny, en fait. Alors certains vont détester les années 80 parce qu'ils sont nostalgiques des années fin 60 et 70. D'autres sont fans des années 90, chacun à sa période. Mais personne ne se contente d'écouter juste l'anthologie des 30 titres. Et ça, je trouve que c'est ce qui marque Johnny et son public. C'est à chacun son Johnny. Exactement. C'est à chacun son Johnny, tout à fait. On poursuit ce classement des 15 premières chansons préférées des admirateurs de Johnny d'après le livre de Thibaut Geffrotin, Nos chansons préférées de Johnny. Voici à la 11e position, 100%. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour. On s'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. D'un autre avenir. Peu importe si la vie menace, ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent. On n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe, au-delà de nos différences. Des coups de gueule, des coups de sang. Vous écoutez Johnny de A à Z sur RIG avec Jean-François Chenu et Thibaut Geffrotin pour son nouveau livre, Nos chansons préférées de Johnny chez Talent Édition. La surprise m'a fait très plaisir, c'est la présence de beaucoup de chansons d'Hamlet et la place d'Hamlet dans ce classement. Et ça, c'est, et notamment, j'ai découvert, je savais pas la passion qu'avait Xavier Perrault pour cet album. J'en ai reparlé avec lui depuis, mais c'est, je trouvais ça un peu assez surprenant et très, très sympa. Enfin, To be or not to be. C'est vrai que l'album Hamlet se classe en 20e position des albums de studio de Johnny sur les 51 albums studio de Johnny dans toute sa discographie, quand on additionne tout. En fait, on se rend compte que les fans se sont appropriés cet album année après année. On sait très bien qu'il est mal sorti cet album en 76, la même année que Gabriel, que Requiem pour un fou, que Joue pas de rock'n'roll pour moi, que le Johnny Hallyday Story du Palais des Sports. Il n'a pas été exploité comme il aurait dû. Et en fait, avec les années, le public a continué à écouter, l'a découvert parfois tardivement. Moi, j'ai déjà discuté avec des fans de Johnny qui m'ont dit, pendant 10, 15, 20 ans, j'avais ce vinyle quelque part dans ma collection et je l'écoutais jamais. Et le jour où j'ai commencé à l'écouter, je me suis rendu compte à quel point il était bon, à quel point c'était beau. Et je suis persuadé, quand je l'écoute à chaque fois, je me dis, Johnny n'a jamais aussi bien chanté que sur ses enregistrements studio. Ça fait plaisir de voir qu'on est nombreux à avoir cet avis, en fait, qu'on est nombreux à avoir voté pour les chansons d'Hamlet, et notamment La mort d'Ophélie, qui est la chanson qui se classe le mieux, qui est une chanson absolument sublime, la complainte de Johnny, cette voix, la mélodie aussi, l'instrumentation, les arrangements, tout est merveilleux dans cette chanson. Un sol penché sur le ruisseau pleure dans le cristal des eaux. Ses feuilles blanches, Ophélie tressant des guirlandes, bien présentée comme une offrande, des fleurs, des branches. Et c'est vrai que beaucoup apprécient cet album. Il y a Jacques Rouvérolis aussi qui a classé. Une chanson de l'album Hamlet, notamment. Il y a des avis qui sont très intéressants, je trouve, dans le livre, quand on les lit, c'est les avis de certains musiciens qui t'expliquent, par exemple, certaines chansons qu'ils ont été amenés à jouer en live, quand ils l'écoutaient dans la version studio, bah, bof, bof, et puis dès que ça prenait la dimension live, c'était tout à fait autre chose, et qu'ils prenaient un réel plaisir à jouer ces titres-là. C'est Hugo Ripoll, c'est Greg Slab, c'est des gens comme ça. Effectivement, c'est Hugo Ripoll notamment qui avait souvent cet avis et il l'avait sur l'envie. C'est assez fou de se dire que la première fois qu'Hugo Ripoll a pris sa guitare pour travailler l'envie, il se disait « bon, ça va être une bonne chanson sans plus ». Il a commencé à répéter avec Eric Bamy qui faisait les voix « bon, c'est une bonne chanson sans plus ». Et là, Hugo me dit « quand le patron nous a rejoints et a posé sa voix sur l'envie, j'ai été ébahi. Guitare en bandoulière, j'ai pensé « on va faire un malheur avec ce titre ». Et c'est vrai, t'as raison Jean-François, plusieurs fois les musiciens font ces réflexions du moment où ils ont chanté pour la première fois avec Johnny, au moment où Johnny a posé sa voix, il a transformé les chansons en fait. C'est ça qui donne de la force aux chansons de Johnny, quoi. C'est l'interprétation qu'il en mettait sur scène. Et d'ailleurs on voit dans le classement que les chansons qu'il a le plus interprétées, forcément, elles ont une résonance particulière. Il y a la position du cœur en deux aussi. Si Johnny n'avait pas chanté le cœur en deux à Bercy et sur toute la tournée d'hiver en 2003, sans doute que le cœur en deux n'aurait pas été aussi bien classé. C'est sûr, parce qu'en plus la version était extrêmement réussie et elle a séduit tout le monde dès qu'on l'a entendu. Il y a eu un soir où il l'a pas chanté, ça a été un crime de lèse-majesté. on lui a remonté l'information comme quoi il fallait absolument qu'il la rechante dans sa tournée. Et c'était un des grands moments de ce spectacle, de cette tournée. Dommage avec le fer, avec le feu, À la dixième position, à dixième place de ce classement des chansons préférées de Johnny Hallyday, on retrouve le titre de 1977, J'ai oublié de vivre. Version Flashback Tour 2006. À force de briser dans mes mains les guitares, sur des scènes violentes, sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, moi j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser, à force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier, à force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, à force d'être indien, Hells Angels sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, moi j'ai oublié de vivre, oui j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Et selon toi, quelle est la période musicale de Johnny qui est la plus sous-estimée par rapport, donc une fois qu'on voit ce classement ? Ah, c'est une bonne question. Oui, j'ai la réponse. La période la plus sous-estimée, c'est la fin finalement. C'est les derniers albums, c'est les années 2000-2010 qui finalement sont un peu sous-représentées, mais ça s'explique parce que les chansons ont eu moins le temps d'infuser en fait pendant toute une vie. Parce qu'il les a moins chantées sur scène aussi, mais surtout qu'elles n'ont pas traversé les générations et traversé les époques comme l'ont fait les chansons des années 60, 70, 80. Mmh. Même les dernières chansons, Mon pays c'est l'amour, J'en parlerai au diable, forcément c'est des titres, ce sont des titres qui sont forts, qui nous ont marqués, mais ce sont des titres qu'il n'a jamais pu chanter sur scène, donc il n'a jamais pu sublimer, à qui il n'a jamais pu offrir de deuxième version, de troisième version, d'autres arrangements. Donc pour moi, cette partie de la discographie qui pourtant est très forte et très qualitative, notamment les derniers albums, époque Bertrand Loblot, directeur artistique, avec beaucoup de soins apportés au choix des textes, etc., sont un peu sous-représentés, mais l'explication est logique en fait. Oui, mais là tu parlais du dernier album posthume, c'est tout à fait normal, il est très particulier pour plein de raisons, mais par contre tu as quand même des titres de cette fin de carrière qui émergent un peu dans le classement, comme De l'amour, c'est vrai, L'attente, Te manquer, qui est assez bien classé si je me souviens bien, donc il y a quand même des titres qui ont réussi à creuser leur petit sillon dans ces dernières années, même si toute l'explication que tu viens de donner est évidemment tout à fait réaliste. Et puis il y a d'autres albums qu'on on est passé au travers. L'album, ça ne finira jamais. Complètement. On n'a pas de souvenir. Le cœur d'un homme, il n'a jamais chanté une chanson sur scène. Il y a très peu de ces chansons n'ont pas eu une vie. Ils ont existé sur l'album. L'album est un très bon album, mais elles n'ont pas eu de vie, ces chansons. Et encore moins l'album de M, Jamais Seul. Oui, et ça c'est un peu l'album maudit. On en a encore parlé. Tiens, j'étais en séance de dédicace à Rock Paradise, l'excellent disquaire parisien Patrick Renassia qui m'a invité il y a quelques jours pour présenter mon livre, et des gens à qui je dédicaçais mon livre me disaient, ah, je leur posais la question, et vous alors, c'est quoi vos chansons préférées? Et une dame me répond, ah, moi c'est toutes les chansons sauf celle de M. Hein. C'est vrai que les gens ont pris au grip cet album. Moi, j'aime bien certains aspects de cet album. Alors, aucune des chansons font partie de mes préférées, sauf Guitar Hero. Pas de cause en rebelle, y a pas de hasard, ni de héros en guitare. Mais je continue de penser que si on avait mis un Bertrand Lamblot ou un directeur artistique avec un véritable soin sur le choix des textes, et qu'on avait accolé ce travail de direction artistique avec l'énergie, le son de la guitare de Mathieu Chédid, je suis sûr que ça aurait pu fonctionner. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, et on ne peut pas refaire l'histoire. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live et aussi Johnny en pirate. Oui, en tipiaque, si vous préférez. Ça, c'est le terme de l'émission Johnny de A à Z. Avec... John a aidé en 1996 à Saint-Flour, c'était le 21 août 1996, il interprète Le Pénitencier que vous avez classé en 9e place. Contenu, pénitencier, bientôt on se fermera. Et c'est là que j'ai filé et ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. Pour m'amener à tenir. Yeah. Ajouter des quelques chansons lors de sa tournée d'été en 1996, le Lorada Tour, avec quelques titres comme du genre, là le titre qu'on vient d'écouter, Le Pénitencier, et puis il y avait aussi entre autres Je veux te graver dans ma vie. Mais retournons avec Thibaut Geffrotin qui nous présente son dernier livre, Nos chansons préférées de Johnny. En tout cas, ce qui est clair dans le classement, et ça vient un petit peu avec la suite de ce qu'on va raconter, c'est qu'il y a une période qui est charnière. Qui est l'arrivée de Berger, oui. Et Goldman, et ça c'est les titres de ces deux albums ressortent de manière évidente, et je crois que Eric a fait un classement formidable à partir de tes chansons et des points. Il a classé les albums, et à l'évidence Gang et Rock'n'Roll Attitude sont dans le tiercé, avec Derrière l'amour qui effectivement avec quatre titres majeurs qui ont vécu au fil des années, parce qu'il les chantait sur scène et dans des versions extraordinaires. Et on voit bien que bon, tout ça, ça a marqué le grand public. Je parle pas des fans qui ont évidemment une perception différente. Tout à fait. Johnny, c'était un artiste populaire qui réunissait des milliers de spectateurs dans ses spectacles. Et donc, ces milliers de spectateurs qui font partie de ton jury aussi, ces chansons-là sont incontournables et c'est celles-là qui les ont amenées à Johnny. Exactement. Et moi, à chaque fois que je menais les entretiens avec les gens pour les chansons, on me parlait toujours de cette période Berger-Goldman. Et d'ailleurs, dans un sens positif ou parfois négatif, mais tout le monde disait toujours « Moi, j'aime surtout Johnny pour la période Berger-Goldman ». Et vous en avez certains, plus les durs à cuire, ceux qui aiment le rock'n'roll pur et dur, me disaient « Moi, j'ai aimé Johnny jusqu'à ce que Berger et Goldman se mettent à travailler pour lui ». On sent que c'est vraiment un moment qui a changé dans sa carrière. Et c'est sûr, quand on regarde le classement, l'envie… Quelque chose de Tennessee, Le Chanteur Abandonné, Rock'n'Roll Attitude, Je te promets, Laura, J'oublierai ton nom, ce ne sont que des tubes. Et finalement, toutes ces chansons que je viens de citer, c'est seulement dans deux albums sur 51. Et ça a clairement marqué toute une génération avec une nouvelle façon pour Johnny de travailler, une nouvelle écriture, une manière de se consacrer au travail d'un seul auteur-compositeur, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. C'est un nouveau Johnny Hallyday qui arrive à ce moment-là, et c'est la construction du Johnny qui ensuite va triompher au Stade de France et à la Tour Eiffel. Le Johnny qu'on connaît tous triomphant devant près d'un million de personnes, il s'est construit, celui de 2000, il s'est construit pour moi à partir de 85. C'est le moment aussi où, scéniquement, il aborde les choses différemment grâce à l'arrivée de Jean-Claude Camus, qui prend les manettes producteur. Et là, on n'est plus dans des spectacles qui vont s'éterniser pendant 5 semaines, 6 semaines, voire plus à Paris. C'est des Bercy de 15 jours, 3 semaines maximum, et des tournées derrière, qui sont des tournées qui font des cartons, et qui sont parfaitement organisées, orchestrées, tout ça. On rentre dans une autre ère. Et Jean-Claude Camus, qui fait partie aussi du jury, j'étais ravi d'avoir sa participation, qui m'a donné un beau top 10 ou top 15, je crois, de mémoire. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et on poursuit ce classement des 15 chansons les plus acclamées par tous les admirateurs de Johnny Hallyday. On retrouve à la 8e position le fameux titre, ou la fameuse, si vous préférez, Gabrielle. Là, on va écouter la version de 1981. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez tous très bien. voyez qui je veux dire? Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Alors dites-moi son nom! Ton amour étrangle ma vie et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit et entendre la vie et ne plus me souffler se t'écrire. C'est une illusion de douceur. Et tu chantes la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfiles. Bon, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Celui qui veut m'en parler. Les gens de chaîne s'en parlent le jour. C'était ma peine pour ça de l'amour. J'ai refusé. On voit bien dans ton classement aussi, c'est que quand Johnny a voulu faire des expériences dans la langue de Shakespeare, bah ça n'a jamais séduit les fans et fonctionné. Oui, c'est sûr que le Johnny en anglais, quand on regarde le classement, c'est pas une grande réussite. Ils sont bas fond, oui. Ouais, clairement, tous ces titres étrangers. Ah, mention quand même à Que je t'aime en japonais qui récolte 2 points. Ces deux histoires incroyables en plus, parce que les 2 points marqués par Que je t'aime en japonais, je vous les raconte en 2 mots. Le premier, c'est un fan en Bretagne qui, le soir où il a rencontré celle qui est aujourd'hui sa femme, pour essayer de la séduire, il lui a dit « Viens voir chez moi, j'ai un truc incroyable que personne n'a, j'ai le disque original de Johnny qui chante Que je t'aime en japonais ». Elle lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, je te crois pas. Bref, il l'emmène chez elle, il lui montre ce disque et 30, 35 ou 40 ans plus tard, je sais pas aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Et donc c'est une chanson qui a forcément un lien pour eux assez drôle. Et l'autre anecdote, c'est Jimmy Top, le fils de Yannick Top, ouais. Qui a travaillé pour Johnny à l'époque, Michel Berger notamment, et après aussi jusqu'au Parc des Princes. Jimmy Top qui m'a donné son classement parce qu'il est musicien aussi, c'est lui qui a repris le groupe Magma, le groupe de son papa. Mm-hmm. Il m'a donné son classement, il a mis Que je t'aime en japonais. Je lui ai dit mais pourquoi est-ce que t'as mis Que je t'aime en japonais? Et il me dit la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est une intelligence artificielle qui a fait ça, c'est pas possible. Johnny Hallyday n'a pas pu chanter un truc en japonais. Il a vérifié, il m'a posé la question, je lui ai dit oui, je lui ai dit c'est vrai, c'est bien Johnny qui chante Que je t'aime en japonais. Il paraît même que Sylvie Vartan n'y croyait pas lorsqu'elle en avait parlé. Je crois que c'est Xavier Louis qui m'a raconté cette anecdote. Xavier Louis qui a écrit pas mal de livres sur Johnny aussi qui sont passionnants. Ou Sylvie ne savait pas qu'il avait enregistré ça en japonais, qui disait mais comment est-ce que Johnny a pu faire ça en japonais, lui qui avait tant de mal déjà à chanter en allemand ou dans d'autres langues. Donc 2 points pour Que je t'aime en japonais, mais 0 point pour Mon anneau d'or en turc. Il y a une chanson même qui est étonnante, c'est à la 501e position, il y a Présentation des musiciens et c'est demandé par Mickey Jones. Mickey Jones, oui. Oui, exactement. Alors déjà j'étais très heureux et très touché que Mickey Jones me donne son classement. Maintenant, j'aimerais vous présenter les musiciens qui m'accompagnent sur scène. Et je veux vous entendre les applaudir très fort. Ils s'appellent les Blackbirds. Ils sont dirigés à la guitare par Mickey Jones. Et à la batterie par Tommy Brown. Effectivement, il a tenu à inclure la présentation des musiciens qui forcément lui rappelait des souvenirs particuliers de l'époque où il jouait sur scène avec Johnny, mm-hmm. avec Tommy Brown. Cette présentation qu'on a tous connue où Johnny, à sa manière particulière, à chaque fois, terminait. Alors, à une époque, c'était Eric Bami qui le faisait pour lui, c'était formidable aussi. Johnny qui disait, le chanteur du groupe s'appelle, et tout le public disait Johnny Hallyday. Moi, c'était le moment que j'attendais toujours sur scène. Encore une chose, c'est que je voulais vous dire que le chanteur de l'orchestre s'appelle Johnny Hallyday. Et c'est vrai que c'est amusant que Mickey Jones ait voulu mettre ça. Il a mis aussi dans son classement Psychedelic et Fleur d'amour et Fleur d'amitié. Oui, alors ça, c'est quand même surprenant. Psychédélique, non, mais Fleur d'amour et d'amitié. C'est vrai. Par rapport à tout ce qu'il a composé, une magnifique chanson pour Johnny, c'est étonnant ce choix. Et ça doit lui rappeler quelque chose. Mais oui, sûrement. Sûrement. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Elle est à la 7e position. Ce titre, Diego, libre dans sa tête, vous l'avez plébiscité dans le livre de Thibaut Geffrotin, Nos chansons préférées de Johnny Hallyday. On retrouve Johnny Hallyday chantant donc Diego. C'était lors de sa tournée en 2012 et avec l'orchestre symphonique. Derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. déjà mort, peut-être. Vous écoutez toujours Johnny de A à Z et je suis avec Thibaut Geffrotin et avec Jean-François Chenu pour parler du livre « Nos chansons préférées de Johnny ». Et alors dans le classement, voilà, on mesure aussi ce qu'a été d'une certaine façon le semi-échec, on va des mots de Vegas, parce que l'album Destination Vegas est au fin fond il est en 50e place, et je crois que les titres ne sont pas toujours sortis, oui. Et on mesure bien que ça a été un épisode un peu compliqué, même si le répertoire était vraiment bien, même si le choix de faire un concert hommage au rock'n'roll, oui, c'était un choix intéressant, la mayonnaise n'a pas prise, quoi, pour plein de raisons. On va dire que ce qui est arrivé à Hamlet n'est toujours pas arrivé à Destination Vegas, en fait. On aurait pu penser qu'à un moment donné, le public allait peut-être passer outre l'échec du concert, les images, le côté compliqué, la lettre de Johnny, la déception, etc. Et pour se réapproprier, parce que quand on écoute cet album sans connaître toute l'histoire, il est formidable. Memphis est loin d'ici, c'est un super titre. La ville des âmes en peine, c'est absolument magnifique. Très belle chanson, comme un rock aussi, c'est très bien. Là, il fait une bonne version de Band on the Bayou. Oui, tout à fait. Par exemple, de Proud Mary. Enfin, il y a plein de titres intéressants. Oui, absolument. Oui. Alors, c'est vrai c'est un album un peu bizarre parce que la musique, les musiciens sont enregistrés live et Johnny, lui, refait toutes ses voix ou presque en studio derrière. Donc, c'est un peu. C'est galvaudé. C'est un album un peu galvaudé. Mais par contre, on n'est pas surpris par le classement d'À partir de maintenant, par exemple, qui est un album qui est généralement mal classé, très mal classé par les fans et d'où il ne ressort pas grand chose. Oui, c'est À partir de maintenant, c'est, je pense, peut-être le plus. En termes d'album classique, puisque Destination Vegas, ce n'est pas un album classique, en termes d'album classique, À partir de maintenant, c'est peut-être le plus faible de toute la discographie. Et c'est vrai que les résultats de ce jury le montrent bien. Avec deux plantages qui sont La poupée qui fait non et Je ne suis pas un héros dans cette version-là. Mm-hmm. C'est ce que c'est devenu après. Oui. Johnny qui disait qu'il était très content de sa version en 1980. Il lui disait dans un Zénith en 1986 avec Michel Denisot, il disait « Oh, moi j'aimais bien, j'ai bien aimé cette chanson-là, j'ai bien aimé l'interpréter, j'ai bien aimé, voilà. » J'ai eu du mal à chanter cette chanson parce que Daniel est un chanteur qui a une voix très haute, il chante très haut. Et moi j'ai une voix plus grave que lui, mais avec moins d'aigu que lui. Et je dois dire que la vache, j'ai eu du mal à la chanter cette chanson, mais c'est une très belle chanson. Ah, parce qu'il en a fait, sur scène après à Bercy. Ah, mais 5 ans plus tard, oui, par rapport à ce qu'il avait dit, c'est autre chose. C'était le jour et la nuit, c'est sûr. Oui, je suis désolé pour les gens qui aiment la version de Johnny de La poupée qui fait non et la studio de Je ne suis pas un héros, mais j'ai pas été très tendre dans mes commentaires. C'est une poupée qui fait non. Ah, oui. Je sais pas ce que vous en avez pensé en lisant le livre tous les deux, mais j'ai souhaité dans mon écriture ne pas être hagiographique, c'est-à-dire être honnête avec les chansons quand j'estimais après mes écoutes et mes analyses qu'elles étaient mauvaises, qu'elles étaient ratées, de le dire tout simplement. Quoi. Mais c'est ton livre, hein. C'est ton livre. Après tout, tu fais ce que tu veux. Après. Et d'ailleurs, je t'ai dit, je sais plus sur quel titre, parce qu'à chaque fois que je voyais que je lisais, puis je te faisais des commentaires. Il y a un titre, je dis, t'as été vachement sévère avec ce titre. Mais je me souviens plus lequel c'est. Oui, j'en ai vu un aussi, comme ça. Donc, ça sera l'occasion de lancer des débats et à vous tous qui nous écoutez sur Radio RIG, si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, on pourra, une fois que vous avez lu le livre, débattre sur nos avis, parce qu'après, les avis sont forcément différents. Et puis, parfois, on peut confronter, c'est-à-dire que sur une chanson, je crois que c'est sur Bill Bailey, où je mets un commentaire pas forcément hyper positif, et juste en dessous de moi, il y a Bernard Fossé, l'un des experts, l'un de mes experts, Johnny, avec vous, messieurs, qui, lui, en fait un commentaire positif. Comme ça, ça fait deux avis. Contrebalance. I'll do the cooking, honey, while I'll play the game. I know you're down, you are. Do you remember that rainy evening I drove you out with nothing but a fine-tooth comb? Well, I know I'm to blame. Is that a shame? Bill Bailey, won't you please come home, yeah? Le prochain titre qu'on va écouter de ce classement des 15 premières chansons préférées des Français, on va dire en quelque sorte, hein, avec ce panel de personnalités et de fans de Junaïdé, vous avez sélectionné avec 16 284 points le Requiem pour un fou datant de 1976 et c'est la version Formule 1 qu'on écoute de Junaïdé en 1977. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bâton. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide. Se faire pendre, le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'ai par l'amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Ma vie, c'était son corps. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lali. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand les volets. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'ai Est-ce qu'il y a une chanson qui aurait mérité un meilleur classement d'après toi? Après, c'est le choix de chacun. Après, c'est l'avis de chacun aussi. Ouais, c'est difficile à dire. Non, il n'y a pas de chanson où je me suis dit, tiens, celle-là, elle est vraiment très, très, très, très loin. En fait, des fois, je fais le livre et je vois telle chanson qui est classée 68e, 72e. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est une bonne chanson, elle est loin. Et puis après, je regarde toutes les chansons qu'il y a avant. Il n'y a que des tubes. Il n'y a que des chansons qui ont brillé sur scène. Et c'est ça qui est incroyable. J'en parlais avec, avec Pierre Grillet, qui est le parolier de Je t'aime comme je respire, la balade de l'album de David 100%. Loin, ça ne me vaut rien, loin, je ne vaux rien. Ça ne vaut rien, loin je ne vaux rien. Je t'aime comme je respire, rien d'autre à dire. Je t'aime comme je respire, elle est autour du top 100, je ne sais plus exactement combien. Et il n'en revenait pas que sa chanson soit classée aussi haut, parce que pourtant on se dirait 100e chanson de Johnny Hallyday, c'est loin, 100 chansons, on se dit on est loin d'être dans les préférés. Mais en fait, il y a tellement de chansons dans le répertoire de Johnny, il y en a tellement plus que dans le répertoire des Beatles, que dans le répertoire de Sardou, c'est que vrai. Dans le répertoire de Céline Dion. Johnny Hallyday, c'est le chanteur qui a le plus chanté, en fait. On ne trouve pas, dans sa stature de grand artiste international ou en France, on ne trouve pas de chanteur qui a autant chanté que lui. Si vous voulez classer demain le répertoire de Jean-Jacques Goldman, la chanson qui est classée 120e, ça sera loin d'être la meilleure. Alors qu'aujourd'hui, vous avez La guitare fait mal, classée 110e. Oui. Mais parce qu'il y en a 109 avant qui sont incroyables. Vous avez Victime de l'amour qui a connu une grosse popularité sur la dernière tournée, qui est 110e. Vous avez Mon petit loup qui est 120e. Mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement de chansons qui soit sont des tubes, soit des classiques de scène, soit des chansons qui racontent une histoire incroyable et qui touchent les fans. Il y a toujours un truc qui fait que ces chansons sont incontournables. Et finalement, quand on aime Johnny, les 200 premières, pour moi, il n'y a rien à jeter, mais vraiment rien du tout à jeter. Pas un couplet que je mets à la poubelle. Il y a un titre qui est étonnamment aussi assez bien placé, c'est Avant, qui est 100e. C'est vrai. Ce qui est un bon classement dans tes 1000 chansons. Oui. C'est pas un titre qui a marqué à l'époque. Non. C'est pas un titre qui a une carrière sur scène. J'ai pas de connaissance de version live de ce titre. 100e. Et qui n'est sorti que sur 45 tours. Sur 45 tours. Uniquement. Ouais. Il est ressorti récemment sur les livres-disques. Mais c'est le thème d'une période qui. Ça va pas entre Johnny et Sylvie. Après, il y aura J'ai un problème, donc tout va beaucoup mieux. Mais classé 100e, c'est. C'est surprenant. Et comme une autre chanson qui est très bien classée, Entre nous, qui ouvre l'album à la vie et à la mort, moi, j'ai une chanson que j'aimais beaucoup, dont il aurait pu faire quelque chose sur scène, 88e. Alors qu'elle n'a existé sur aucun single. C'est ça. Il n'a jamais chanté sur scène. Et donc c'est vraiment, c'est passionnant. Entre nous, aucune demi-mesure, aucun mur ne tiendra. Entre nous, c'est cette thématique, en fait, c'est l'impression que les fans ont eue, que Johnny s'adressait à eux, de raconter ce lien qui les unissait, en fait. Entre nous, c'est un peu le lettre de fan version années 2000. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'avant, j'ai été surpris aussi, chanson très, très, très nostalgique, méconnue du grand public. Je pense que si on sort dans la rue, que ce soit chez vous à Bordeaux ou ici en région parisienne, on demande à 10 personnes, vous connaissez la chanson de Johnny qui s'appelle Avant, personne ne la connaît, mais par contre les fans l'adorent, et c'est ça qui est chouette dans ce classement, c'est que comme on a des gens plus grand public, comme les personnalités qui ont pu voter, comme les animateurs radio, télé par exemple, et puis les fans qui ont tous fait plusieurs dizaines de concerts, qui ont tous les albums chez eux, on peut avoir vraiment un classement représentatif entre guillemets, de la France entière, la France qui aime Johnny, qui écoute Johnny, et la France des fans, du public. De son public au sens large. Hein. Ouais. Quand tu fais un million de personnes sur une tournée, il n'y a pas un million de fans hardcore. Et puis il y a les fans qui attendent d'autres chansons en concert, et il y en a d'autres qui sont là peut-être pour la première fois et sont heureux d'entendre toutes ces chansons-là, même pour nous qui sont des classiques. Passage obligé. Ils veulent entendre ces classiques-là. Passage également. Obligé. On a chacun notre Johnny. Avant, tout était beau lorsque tu étais là.

c'est très générationnel, on le voit très bien hein, quand même. Hein. Thibaut, tu es d'une génération, moi je suis d'une autre génération, Jean-François est encore d'une autre génération, on, tous les trois ne sont même pas de la même génération. Et Bernard, encore. Et Bernard, oui, voilà, tout à fait. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup Johnny. Alors, j'ai surtout connu Johnny dans les années mi-70 jusqu'à et les années 80. C'est pour ça qu'il y a des albums que je ne défendrai pas forcément des années 80. Des albums de 70 que j'ai découvert plus tard, que j'ai apprécié, que j'ai même maintenant que j'adore et que donc je ne m'en passerai pas. Mais c'est vrai que c'est une question générationnelle également au point de vue des choix des titres. Ouais, c'est vrai que forcément les générations, ceux qui font partie des débuts ont voulu défendre des albums non pas oubliés mais qui en les réécoutant n'ont pas la même force pour nous aujourd'hui, des titres un peu oubliés des années 60, mais pour ceux qui ont découvert Johnny à cette époque-là, forcément ça a plus de force quoi. Ça a beaucoup plus d'impact que les chansons suivantes pour certains. Toi par exemple, toi voilà, Johnny tu l'as connu en 1967 ou 66, tu me oui, disais. Oui, pour moi c'est la génération perdue qui voilà. est le premier vrai. Voilà. Enfin, j'avais entendu le pénitencier, j'aimais bien le pénitencier avant. Quelques chansons qui comme quand la nuit quand on revient la nuit, mais le premier album vraiment voilà. qui m'a marqué, qui t'a scotché, c'est la génération perdue. C'est ça. 66. Et puis après c'est le Palais des Sports 69 avec Rivière et puis alors moi je suis un amoureux des années 70 hein, donc ben oui, c'est ça. Oui. Voilà. J'étais content de voir les classements d'Insolitude, de Flagrant délit, de ces albums-là qui sont pour moi des albums que je préfère à Gang et Rock'n'Roll Attitude. Parce que moi, surtout Johnny, c'est surtout à partir de 1976, à partir de Derrière l'amour. Voilà, et à partir de là, j'avais 5 ans. Hein. Ok, mais après, je n'ai pas décroché. Hein. C'était le Pavillon de Paris après, enfin, le Pavillon de Paris, Porte de Pantin, 79. Après, j'ai eu retour en arrière avec Solitude à 2. Il y a eu des allers-retours, pas eu des sports de 76, mais après, j'ai pu quitter. Et on voit quand même que les titres des albums de fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire 100% et à la vie et à la mort, sont très bien classés. C'est des albums qui ont trouvé leur public et des chansons qui ont aussi marqué. C'est vrai que ces albums qui ont cartonné en termes de vente, 100% à la vie et à la mort, il y a tellement de gens qui ont acheté ces albums-là à l'époque qu'ils ont toujours ces albums-là. Et on sent donc forcément, c'est les albums qui vont beaucoup plus écouter qu'un album comme Rough Town ou Destination Vegas, par exemple. Et donc, ces chansons ont marqué les gens à force de les écouter. Moi, une chanson qui m'a étonné de la trouver si haut dans le classement, c'est « Trouve-moi des mots ». L'album À la mort, de Bruel, écrite par Patrick Bruel. Jamais j'aurais imaginé que cette chanson était à ce point-là appréciée par les fans. Et j'ai plus le classement en tête précisément, mais elle est extrêmement bien classée. Qu'est-ce que je fais de moi ? Trouve-moi des mots que je comprenne. Trouve-moi du temps pour que j'apprenne à vivre comme ça. Qu'est-ce que je fais de moi ? Trouve-moi des notes, quoi qu'il advienne. Maintenant que je suis seul sur scène, que je dérive sans toi. À chaque fois que je voyais arriver des classements, je disais bah tiens, encore trouve-moi des mots. Tiens, encore trouve-moi des mots. Elle était toujours là. Mais quand on lit un peu, c'est une mélodie, c'est très mélodieux. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de titres sur cet album-là qui sont très mélodieux. Alors moi, franchement, à la vie et à la mort, je le couperais en deux. Toi, en voulant faire un double band, je n'aurais fait qu'un. Ouais. Ça, c'est mon choix après. Mais je crois que j'en ai mis aucun. De toute façon, je t'avais marqué, Thibaut, que je crois des années 2000, j'en ai mis aucun. Il y avait un truc comme ça. Toi, c'était très, très 70s, ton classement. Ouais, très country music, très country. Très Mallory. Ouais. Et justement, en parlant de Michel Mallory, voici la musique que j'aime, que vous avez classée quatrième avec 18 425 points, d'après le classement de ce livre « Nos chansons préférées » de Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs. Pour et Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure. J'y mets mes peines et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Tu de la musique que j'aime. Roger Frottin est l'invité de l'émission Johnny de A à Z ce soir pour nous présenter son livre « Nos chansons préférées de Johnny Hallyday ». Parmi les commentaires que tu as pu avoir, parce que tu as reçu des commentaires des personnalités et puis aussi en même temps des fans de Johnny, est-ce qu'il y a des commentaires qui t'ont plus touché que d'autres? Parce qu'on parle de Michel Mallory par exemple, il a été assez loquace justement Michel Mallory dans ses commentaires sur tel ou tel titre qu'il a écrit sur Johnny. Michel Mallory, c'est toujours passionnant de l'écouter raconter l'histoire des chansons. J'aime beaucoup quand Michel parle de la chanson « J'ai besoin d'un ami ». C'est l'une de ses chansons préférées parce que il me disait si on a fait cette chanson avec Johnny, c'était parce que c'était une question d'amitié. C'était ce qui nous importait le plus, lui et moi, c'était l'amitié, cette amitié qui nous liait. Et c'est pour ça qu'on a voulu écrire et interpréter cette chanson. Et ça, c'était un beau commentaire, voilà, de Michel qui se remémorait tout ça. J'ai besoin d'un ami pour réchauffer ma vie. Pour les jours sans amour et d'ennui. Que ce soit un vieil homme un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tend la main. Je suis seul dans la ville, je ne suis qu'un passant, un visage sans nom parmi les indifférents. Le besoin d'un ami qui saurait m'écouter pour m'aider à oublier le passé. J'aime bien quand Michel aussi raconte, parle des chansons que Johnny a composées, quand il les analyse, quand il dit écoutez bien, quand Johnny compose une chanson, c'est toujours un peu une valse country, un peu ternaire, c'est jamais du binaire. On comprend quelles sont les inspirations musicales de Johnny, qu'est-ce qu'il aimait écouter. On le ressent dans les chansons. On apprend toujours beaucoup de choses quand on discute avec Michel Mallory. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi un commentaire que m'a fait David Hallyday. Qui est en tournée en ce moment, une super tournée en hommage à son père, où il chante dans cette tournée qui s'appelle Requiem pour un fou. Donc lui, il a choisi dans son top 3, il a mis Fils de personne, il a mis Voyage au pays des vivants, et il a mis Je te promets. Mmh. Et David me disait que chaque soir, sur son piano, au moment où il commence l'introduction de Je te promets, il entend la voix de son père avant de commencer la chanson, systématiquement. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Il m'a dit, je l'ai tellement entendue, elle est tellement présente. J'ai la voix de mon père qui est là au moment où je chante Je te promets. Et j'ai trouvé ça incroyablement fort de la part de son fils, quoi. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. À la troisième position, dans le tiers C, ça y est, on arrive. Vous avez plébiscité le titre Quelque chose de Tennessee avec 19 723 points, donc position 3. On retrouve Johnny Hallyday et Michel Berger à Champs-Élysées en 86. 5. Quelque chose en nous de Tennessee. Volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli. Comme une envie, serait en nous avec ces mots et quelque chose de Tennessee. Et puis, il y a le classement des enfants. Est-ce... Oui. Est-ce que vous avez vu mon petit parade des enfants? Oui, oui. C'est à quelle page, rappelle-moi? On l'a vu mis, c'est la 200e, non? C'est au... C'est après le... Oui, après le 200. C'est, voilà. Il est caché à la fin du top 200. Le hit parade des enfants de fans, avec donc Allumer le feu, qui remporte ce classement avec 38 points, devant 100%, et Que je t'aime, qui arrive 3e. Et ensuite, on a Tennessee, Requiem pour un fou, L'envie. Et puis quelques chansons qui, c'est assez amusant de voir que dans le classement des enfants de fans, on retrouve Au bord des routes, on retrouve Voyage au pays des vivants. Oui, c'est ça, ça aussi, c'est étonnant. Voyage au pays des vivants. Mmh. On a Trouve moi des mots aussi qui est dans ce classement. Poème, on a Cadillac, poème sur la 7e pour les enfants. C'est étonnant, ouais. Il y a des choses. Oui, poème sur la 7e, je crois que la personne qui l'a classé, parce qu'en fait, comment j'ai fait ce hit parade des enfants de fans? J'ai voulu donner la parole à la nouvelle et future génération de fans de Johnny, mm-hmm. c'est-à-dire ceux qui vont aimer Johnny Hallyday, comme moi j'ai pu aimer Elvis Presley par exemple, comme les gens aiment les Beatles, c'est-à-dire aimer un artiste sans le connaître de son vivant, aimer un artiste qu'on va jamais aller voir sur scène, mais que l'on va découvrir via les disques, via les musiques sur les plateformes et via les images de sur scène. Et donc j'ai demandé à ces fans, est-ce que vos enfants écoutent Johnny? Est-ce que vous leur faites écouter Johnny? Et si oui, posez-leur la question, quelle est ta chanson préférée? Donc il y a des enfants de 4 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 12 ans, de plein de générations différentes qui ont répondu. Et celui qui a voté poème pour la 7e, son papa m'a raconté, en fait c'est un enfant qui a, je ne sais plus quel âge il a, il doit avoir 5, 6, 7 ans à peu près. Et c'est Bercy 92 en fait. Il est impressionné par l'image où la grosse pince attrape Johnny, à tel point que cette chanson, d'ailleurs, il ne l'appelle même pas poème sur la 7e, il l'appelle la pince. Ou le poème sur la 7e. Le grappin. Je vous remercierai que ça m'a mal existé. Alors, je ne raconte plus d'histoire. Et son papa s'appelle Tennessee, d'ailleurs. Je lui passe un petit bonjour. Il s'appelle Tennessee, ça ne s'invente pas. Vous voyez bien que c'est de génération en génération, du coup. Il ne s'appelle pas Tennessee par hasard. C'est ça. Puis c'est vrai qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, comparé à nous, à notre époque, encore, eux, ils peuvent vraiment se renseigner et aller chercher telle ou telle chanson avec toutes les plateformes qu'il peut y avoir. C'est vrai que, à l'époque, tu parlais d'Elvis Presley. C'est vrai que Elvis Presley est mort en 1977. J'avais 6 ans et donc je suis allé chercher difficilement quelques titres de Elvis Presley. Et puis maintenant, on a tout maintenant. On a tout. Non, et puis on a la chance d'avoir des très beaux DVD de ses concerts. Aussi. C'était. Ah ben, le fameux Hawaii. Par exemple, le comeback. Voici par Johnny, Que je t'aime. Ah ouais, non, c'est pas du Elvis qu'on va écouter maintenant. Non, non, Johnny Hallyday. Vous avez plébiscité Johnny Hallyday, cette chanson-là, Que je t'aime, à la deuxième place de ce classement sur les 1064 chansons chantées par Johnny. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel d'un seul cul n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non. Je t'aime est la deuxième chanson préférée des Français d'après le panel de personnalités et de fans de Johnny Hallyday. On retrouve tout ça dans le livre de Thibaut Geffrotin, Nos chansons préférées de Johnny chez Talent Édition. On n'a pas parlé en fin de compte ni de la première ni de la dernière. Alors soit on va leur dire que ils ont qu'à acheter le livre. Mais bon, on l'a souvent dit, hein, que c'était le premier c'était l'envie et le dernier c'était Chéri, fais-moi du Chili. Est-ce que l'envie, l'envie c'est un choix intergénérationnel? Oui, l'envie c'est vraiment la chanson numéro un, sans discussion possible, parce que en fait quasiment tout le monde a classé l'envie. C'est-à-dire que sur les 361 personnes qui sont dans le jury, 50 l'ont classé en première position, 30 en deuxième position, 16 en troisième position sur leur podium personnel. Et au total, surtout, ce qui marque, c'est que 221 jurés sur les 361 l'ont classé au moins une fois. C'est-à-dire que même ceux qui ont dit « L'envie, c'est pas ma chanson préférée », ben, ils l'ont classé au moins 5e ou 10e ou 15e ou 25e. J'ai même des gens qui m'ont fait un top 150 et qui ont mis en 145e, dire « Ok, on l'a pas mis en premier parce qu'on sait que tout le monde va la mettre, mais mais quand même, je ne vais pas l'oublier et je veux la mettre dans mon classement. Donc c'est vraiment intergénérationnel. J'ai eu des fans de toujours qui m'ont mis l'envie, des fans plus jeunes. C'est vraiment le plébiscite numéro un. C'est ce que Johnny disait de cette chanson qui a marqué aussi les gens. Johnny prenait toujours cet exemple pour dire la chanson qui le représentait beaucoup, dire l'envie d'avoir envie, que le public lui donnait la force de monter sur scène à chaque fois. Il y a toute cette histoire, et puis il y a aussi évidemment ce mur de pluie à Bercy en 87. Il y a Johnny qui entre sur Flashback Tour en chantant a cappella cette chanson. Moi, c'est les premiers mots de Johnny que j'ai entendu en vrai, la première fois que j'entends la vraie voix de Johnny, c'est sur Flashback Tour, donc c'est sur les mots de l'envie. Voilà, cette chanson, elle est mythique et elle est incontournable. 30 977 points. C'est ça. Et moi, je l'ai mise de première, tu vois. Et à contrario, la musique que j'aime, par exemple, je l'ai mise au milieu de mon classement. Oui, donc, je crois que je t'avais donné 70 chansons, un truc comme ça. J'ai vu d'ailleurs, j'étais ouais. Mais il faut que je mette un carton jaune. Il faut dire que c'est vrai qu'on est confronté quand même un peu aux chansons qu'on a un peu trop entendues. Alors, l'envie, pour moi, rentre pas trop encore dans ce contexte-là. Mais la musique que j'aime, c'est un petit que j'arrête pas d'écouter, d'entendre. Il y a chansons, Gabriel, évidemment. Tu l'as mis où, alors? Je sais plus. Faudrait regarder dans le livre. Dans quel classement je l'ai mise. Mais c'est vrai que dans les positions de tête, j'ai mis Hommage à Louis Sarah en deuxième. Voilà, toi t'as mis en premier. Et moi je l'ai mis en deuxième. Ouais, moi c'est ma number one. Et on se rejoignait quand on avait fait le top 50 des. Tu te souviens, dans le podcast avec Francis, quand on avait confronté nos 50 chansons, il y avait toi, il y avait Xavier, il y avait Jean-Claude Vidal et tout, et on se rejoignait sur Hommage à Louis Sarah dans le classement de ce titre très très haut. La chanson préférée des Français, c'est la chanson L'Envie, extrait de l'album Gang, avec 30 977 points. Et là, on écoute la version que Thibaut adore, celle du Palais des Sports 2006. Puis la lumière. Flashback Tour. On me donne à la fin la soif, puis un festin. Comment enlève ce qui est là? Et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le foie pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sans vaincre, la maladie. Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui. Oubliez-les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. Moi j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix. Et qui font l'envie de vivre. Et le désir et le plaisir aussi. J'en ai donné l'envie. L'envie d'avoir envie. Et quand il est ma vie. We'll be right back. vous êtes d'accord avec la dernière chanson, parce qu'il a fallu... Il a fallu déterminer parce que toutes les chansons qui avaient zéro point, ah, tu nous avais... So Fine, Itsy Bitsy Petit Bikini, Ton Petit Amour, Tu es là, Si tu restes avec moi, la chanson du Romain, La couleur inconnue, Donne-moi une preuve, Oui je veux. Et finalement, c'est Chéri, Donne-moi du Chili qui a le bonnet d'âne, on va dire. Ouais. Et qui est en 1064e position avec zéro point, la pire chanson de Johnny Hallyday. Ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est parce que c'est vrai, je m'en souviens, tu nous avais envoyé un petit mail, Jean-François, ouais. Moi, Bernard Fossé aussi, de désigner parmi un certain nombre de chansons laquelle pour nous était les plus mauvaises ou quoi. Et puis on avait donné notre avis, tout à fait. Et c'est vrai que Chéri, fais-moi du Chili, c'est, même pour moi dans l'émission de radio, c'est une chanson que je crois que je n'ai peut-être mise qu'une fois dans une émission qui s'appelait Fallait, fallait pas. Et bien la deuxième fois, c'est ce soir, spécialement pour vous. En extrait. Éric Gallo, vous pouvez écouter Chéri, donne-moi du Chili. Oh, chéri, fais-moi du Chili. Oui, fais le fort. Chérie, fais-moi le Chili, et je t'en prie, mets-moi le feu, les larmes au ciel, l'estomac bleu. Regarde, j'ai les chaussures qui fument, je ne crains plus les rues, sauf le bitume. Moi, je l'aurais peut-être pas mis en dernier, mais en tout cas, tout près de la fin. Il y a un ami que vous connaissez, enfin que tu connais, Jean-Claude Vidal, qui m'a dit, mais elle a existé cette chanson. ça existe vraiment. Alors, je lui ai envoyé le titre par mail. Ah, ah, oui. Elle est combien, Jojo? Jojo rentre tout de suite. 1060e, elle a eu chaud. Hein. Chaud, ouais. Qu'est-ce qui avait écrit ça, ce chef-d'œuvre? C'est Michel. Ah oui, je crois qu'il n'en est pas très fier. Son commentaire, c'est un grand moment de musical, entre parenthèses, rire. Oui, c'est ça, oui. Merci encore Thibaut d'avoir présenté ton livre, Nos chansons préférées de Johnny. Eh ben merci, merci beaucoup. Merci Eric pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à Johnny de A à Z. Et à tous ceux qui t'écoutent, tous ceux qui vont lire le livre, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook. Me donner votre classement, vos commentaires sur ce que j'ai écrit. Si on peut en faire quelque chose de participatif, c'est encore plus passionnant. Merci encore et à très bientôt. En tout cas, encore bravo Thibaut pour ton livre. Vraiment super intéressant, passionnant. Et à chaque fois qu'on peut en parler, on en parle et en bien. J'espère que ça marche et que tu vas en vendre beaucoup. Et tu nous feras des remontées. Merci, hein. C'est gentil, c'est super gentil. Merci beaucoup. Ciao Thibaut. Salut Thibaut. Merci Jean-François. Merci à toi. Et salut à très tout le monde. Vite. Et bonne fête à bonne toi fête. Aussi. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z spéciale livre de Thibaut Geffrotin, nos chansons préférées de Johnny chez Talent Édition. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission, d'avoir écouté attentivement. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici 15 jours, on parlera de l'album Rock'n'Roll Attitude, la nouvelle sortie de Johnny Hallyday chez Universal au mois de décembre. Enfin, nouvelle sortie, réédition pour les 40 ans. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt. Ciao, ciao.